Chapitre 38. Le lendemain du départ de Tinkley, malgré une pluie fine et froide, M. Jebb partit à pied pour se rendre auprès d'un client qui habitait à une longue distance et n'était rentré chez lui que vers minuit. Mme Jebb, fort mécontente d'une imprudence si notoire, ne cessait de répéter à son mari sur tous les tons, lorsqu'il fut obligé de s'aliter pendant 2 jours, la fameuse phrase « Je vous l'avais bien dit ». En effet, le dévouement qu'il avait montré avait de quoi la surprendre par un pareil temps. Jeanne Barnard, qui n'en était plus à s'apercevoir que le docteur était un égoïste fieffé, se demandait aussi ce qu'il y avait là-dessous. Plus elle y songeait, plus elle était disposée à faire coïncider cette imprudence de M. Jebb avec la disparition mystérieuse de Tinkley. Elle avait appris que ce dernier s'était présenté à l'auberge des Trois Pains de Sucre vers 11h15. Il était dans un tel état d'ivresse qu'on s'était bien gardé de lui donner asile. Il était reparti, jurant comme un damné. Depuis lors, on ne l'avait plus revu. Où était-il allé? Qu'avait-il fait de neuf à 11h15? De 2 choses l'une, ou la conversation dans le sentier avait été entendue par un tiers, qui s'était promis de faire manquer le rendez-vous projeté, ou il y avait renoncé, en réfléchissant que la récompense promise n'était pas proportionnée au risque à courir. Jeanne était encore sous le coup de son désappointement, lorsqu'elle reçut une lettre du directeur de la prison où son père avait été transféré depuis la commutation de sa peine. On l'avertissait qu'il était depuis 3 semaines à l'infirmerie et que si elle désirait le revoir, il serait prudent à elle de ne pas différer trop longtemps sa visite, car il pouvait aussi bien mourir au premier jour que traîner encore pendant des mois. Jeanne demanda à Mme Jebb 3 jours de congé pour aller voir un parent gravement malade, lui disant qu'au cas où il viendrait à décéder, elle repartirait tout de suite pour l'Amérique et qu'elle l'engageait d'avance à chercher une autre servante. « Je suis sûre de ne pouvoir jamais vous remplacer, » répondit Mme Jebb. « Mais enfin, je vais faire des recherches, puisqu'il le faut. » Jeanne arriva à Thorpe 1 heure avant le départ de l'omnibus pour la gare de Highlair. Malgré la recommandation formelle que lui avait faite Morton Blake de ne jamais s'adresser à lui, elle ne put résister au désir de tenter l'impossible pour l'amener à voir une dernière fois Humphrey Vargas. Il était à peine 8 heures du matin quand elle se présenta au château. À ce moment, Morton, qui était matinal, se promenait sur la pelouse devant la grille. En apercevant Jeanne, il s'avança vers elle en lui disant « Comment ? Malgré ce que je vous ai dit l'autre jour, vous voilà encore ?»« Oui, monsieur, et voilà pourquoi, » dit-elle en lui tendant une lettre. « Comptez-vous aller voir votre père ?» reprit Morton en remettant à Jeanne le pli dont il venait de prendre connaissance. « Oui, monsieur, de Highlair je me rendrai à Londres et de là à Portland. Qu'attendez-vous de moi ?» « Comment pouvez-vous me le demander ? Ce que je voudrais, c'est que vous vinssiez avec moi entendre de la bouche de mon père le récit de la lugubre tragédie où le vôtre a perdu la vie et lui l'honneur. C'est le sacrifice de 48 heures de votre temps que j'ose implorer de vous. Est-ce trop demandé quand il s'agit d'une chose aussi grave que de laver le nom d'un pauvre mourant de la tâche qui le souille ? Ah, venez à Portland, je vous en conjure, monsieur, je vous en supplie. Pourquoi ne partirions-nous pas ensemble ? Non, c'est impossible. Alors, monsieur, c'est que vous n'avez nul souci de la vérité, de la justice. De grâce, exaucez-moi. Après quelques moments de réflexion, il reprit. Tout ce que je peux faire, c'est de partir par le premier train, demain matin. Jeanne remercia chaleureusement Morton, puis elle reprit la route d'Othor pour attendre le passage de la diligence. L'antique véhicule ne tarda pas à s'annoncer par un bruit assourdissant de ferraille et de vitres mal fermées. Jeanne prit place dans l'intérieur, où 2 voyageurs étaient déjà montés. Elle s'enfonça dans un coin, se félicitant de la bonne promesse qu'elle avait arrachée à Morton. Le jour suivant, à 2 heures, lui et elle étaient assis dans une des grandes salles de l'infirmerie de la prison de Portland. Les senteurs vitales de la mer pénétraient dans ce triste séjour par une immense fenêtre toute grande ouverte. La lumière du soleil lançait des rayons d'or sur les murs blanchis à la chaux. Humphrey Vargas, étendue sur une couchette, paraissait s'éteindre comme une lampe qui manque d'huile. Jeanne, assise au pied du lit du moribond, serrait la main de son père en attachant sur lui un regard de profonde et tendre pitié. « Monsieur Blake est venu ici afin d'entendre le récit de votre lugubre histoire. Vous lui direz tout, n'est-il pas vrai, mon cher père ? Vous lui apprendrez comment vous avez été entraîné à vous accuser d'un crime que vous n'avez pas commis. » « Oui, la misère m'avait poussé à bout, » dit Vargas en fixant un œil atone sur Morton. J'étais traqué de tous côtés par la police et la magistrature. J'en étais réduit à coucher sur une meule ou dans un fossé, ou en prison. Là, du moins, je me trouvais mieux que tout autre part. Je résolus d'y chercher un abri définitif. Voilà comment je suis arrivé à forger l'histoire du meurtre de votre père. Si je me fusse borné à avouer que j'avais seulement dépouillé son cadavre, qui donc se serait occupé de moi? Un voleur, ça ne sort pas de l'ordinaire, mais un criminel, c'est tout autre chose. On est sûr de ne pas passer inaperçu. J'étais convaincu qu'on ne me prendrait pas pour un meurtre commis 20 ans auparavant, et je me flattais de devenir un exemple pour les pêcheurs endurcis. Pourquoi vous tromperais-je maintenant? Qui gagnerais-je? Les hommes ne peuvent plus me faire ni bien ni mal. C'est bien le moins que je puisse, à l'heure qu'il est, me payer le luxe de dire la vérité. Je n'ai pas à me reprocher de crime. Mes mains sont nettes du sang de votre père. Ma conscience est tranquille de ce côté. Hélas, j'ai bien assez de remords sans celui-là, n'est-ce pas ma fille? J'ai volé la chaîne, la montre, l'argent de M. Blake, voilà tout. Mais il était mort quand je l'ai dépouillé ainsi. Où avez-vous passé la journée du crime? À Héroï, ainsi que je l'ai dit à Sir Everard. J'ai seulement menti en prétendant que j'avais vu M. Blake à cheval, que j'étais allé au-devant de lui et que j'avais saisi la bride. Tout cela est faux. L'homme qui ment une fois perd tout droit à la confiance. Si du moins vous croyez à une autre vie et à l'immortalité de l'âme, ce serait une garantie de votre sincérité. Je crois que le monde où je vais entrer vaut mieux que celui que je quitte. Si près de paraître devant le juge suprême, déclarez-vous n'avoir pas tué mon père? Je le jure. Savez-vous qui l'a assassiné? Je l'ignore.